solitude me pèse tous les jours. Je n'en peux plus, j'ai un besoin d'amour. Je t'ai rendu ta liberté. Malgré la souffrance, j'ai lutté. Et je ne peux me relever. Je t'attendrai même une éternité. Je prie le ciel pour qu'il me donne la force pour.